الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre قصص الأنبياء du Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Toujours dans l'histoire du sceau et des derniers des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lors du cours dernier, on s'était arrêté au fait qui ont eu lieu lors de la troisième année de l'Hégire, notamment la bataille de Uhud. Donc on avait cité quelques détails concernant la bataille de Uhud et quelques leçons que l'on en tire. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit « ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها في بدر فجاء المسلمون لذلك الموعد وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبة فكتبها الله غزوة للمسلمين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Puis, lors de la quatrième année de l'Hégire, les musulmans et les polythéistes s'étaient donné rendez-vous à Badr. Ils s'étaient donné rendez-vous lors de la bataille de Uhud. Abu Sufyan, lors de la bataille de Uhud, a donné rendez-vous aux musulmans l'année suivante, à Badr. Et lorsque le mois de Sha'ban de l'année 4 est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum à Badr. Il est resté 8 jours là-bas. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec une armée de 1500 hommes avec lui alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont attendu donc que les polythéistes viennent à ce rendez-vous qui avait été fixé l'année d'avant. Abu Sufyan est lui sorti avec 2000 de ses hommes. Lorsqu'il est sorti de la Mecque en direction de Médine, il était pris de peur. Et une fois arrivé dans un point d'eau entre la Mecque et Médine, il s'est adressé à ses soldats et à son armée en disant que cette année est une année de sécheresse, une année de famine, et qu'il n'est pas bon de combattre maintenant. Et a dit qu'il rebroussait chemin et son armée l'ont suivi sans montrer une quelconque opposition. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est resté 8 jours en attendant en vain que les polythéistes viennent. Or ils ne sont jamais venus à ce rendez-vous. Et Allah azawajal a donc considéré cela comme une bataille gagnée pour les musulmans. Lorsqu'il dit azawajal, selon le sens, dans le verset 174 de Sourate Ali Imran, lorsqu'il dit azawajal, selon le sens, ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Allah est détenteur d'une grâce immense. ثم في السنة خمس كانت غزوة الخندق اتفق أهل الحجاز وأهل نجد وظهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنود فاجتمع نحو 10,000 مقاتل وقصدوا المدينة ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خندق على المدينة وخرج المسلمون نحو الخندق وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ومكثوا محاصرين المدينة عدة أيام وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش وحصل مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل. وحصل مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل وسبب الله عدة أسباب لانخذال المشركين ثم انشمروا إلى ديارهم فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا جازمين على حصوله. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة الذين ظاهروا المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة ومظاهرتهم الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. وفي هذه الغزوة أنزل الله صدر سورة الأحزاب من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلى قوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. Puis, la cinquième année de l'Hégire, l'année dans laquelle a eu lieu la bataille de l'Khandaq, la bataille de la tranchée, qui est aussi appelée Ghazwatu al-Ahzab, la bataille de l'Ahzab, les coalisés. Lorsque les gens de l'Hijaz et de Najd se sont mis d'accord avec la tribu de Banu Qurayza, la tribu juive, pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont réuni tout ce qu'ils pouvaient comme armée. Ils se sont réunis à plus de 10 000 soldats se dirigeant vers Médine, en direction de Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu et a eu connaissance de cela, Il a creusé une tranchée devant Médine. Les musulmans sont sortis en direction de cette tranchée. Les polythéistes sont venus, comme Allah Azza wa Jalla les a décrits dans Sourate Al-Ahzab, le verset 10, ont le sens quand ils vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges. Ils sont restés et ont assiégé Médine plusieurs jours. Il y avait entre eux, c'est-à-dire entre les polythéistes et les musulmans, cette tranchée. Quelques échanges, bref, ont eu lieu entre certains cavaliers, entre les cavaliers des musulmans et des polythéistes. Puis Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il y ait certaines causes qui fassent en sorte que les polythéistes rebroussent chemin et qu'ils retournent démunis et n'ayant pas atteint leur but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est ensuite occupé de Banu Qurayza qui avait soutenu les polythéistes par leurs paroles et les avait motivés, donc les juifs de Banu Qurayza avaient motivé les polythéistes de la Mecque et les autres tribus à se rendre à Médine et à combattre les musulmans. Ils ont ainsi rompu le pacte qui les liait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallatu wassalam les a assiégés jusqu'à ce qu'ils acceptent, c'est-à-dire les juifs, de se soumettre au jugement de Sa'd ibn Mu'ad. Et Sa'd ibn Mu'ad a jugé que leurs hommes soient tués et que leurs enfants soient faits prisonniers. Et dans cette bataille, Allah Azza wa Jal a révélé

Après la bataille de Uhud, il y a eu quelques batailles, mais il y a eu un moment où, à peu près pendant un an et demi, où il n'y a pas eu de conflit entre les musulmans et les polythéistes. C'était donc une période de tranquillité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour propager l'islam et pour sécuriser les alentours de Médine. Les juifs de Banu Qurayza, lorsqu'ils ont vu que les musulmans avançaient et vivaient une période stable, ils ont envoyé 20 de leurs notables à la Mecque pour convaincre les polythéistes d'attaquer Médine et de mettre un terme aux musulmans. Ils ont convaincu les polythéistes de Quraysh, puis sont allés dans la région de Najd, notamment chez les tribus de Ratafan, pour les convaincre également de combattre les musulmans à Médine. Ils se sont tous mis d'accord pour se diriger en une seule et même fois en direction de Médine. Les polythéistes de la Mecque étaient 4000. Ratafan, la tribu de Ratafan et d'autres tribus aux alentours ont constitué une armée de 6000 hommes. Les 10 000 se sont dirigés vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris qu'une grande armée s'était préparée et était en route vers Médine pour le combattre sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé conseil à ses compagnons sur la stratégie à adopter face à cette armée. Médine étant une ville qui est entourée de montagnes, d'est en ouest, en passant par le sud. Et si une armée veut attaquer Médine, elle ne peut entrer que par le nord. Et Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, a suggéré au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de creuser une tranchée dans l'endroit qui est le plus étroit, c'est-à-dire de s'avancer, de sortir de Médine jusqu'à arriver à l'endroit le plus étroit entre les deux montagnes. Ils ont alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a jugé l'idée de Salman al-Farisi comme étant une idée judicieuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique. 1000 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont participé à l'établissement de cette tranchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné et avait alloué 10 hommes pour creuser à peu près 40 coudées, une distance de 40 coudées de tranchée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé lui-même, alayhi salatu wa sallam, au creusage de cette tranchée. Et c'était un moment extrêmement difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, car c'était un moment où il y avait un grand froid et où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignaient de faim. Et ils montraient au prophète alayhi salatu wa sallam les pierres qu'ils attachaient à leur ventre pour calmer leur faim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur montrait les deux pierres qu'il attachait à son ventre sallallahu alayhi wa sallam pour montrer qu'il avait plus faim que sallallahu alayhi wa sallam. Jabir radiallahu anhu, lorsqu'il a vu, et c'est également durant l'établissement de cette tranchée que de nombreux miracles sont apparus au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, notamment lorsque Jabir radiallahu anhu a vu l'état dans lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié une brebis et a demandé à sa femme de préparer du pain. Et a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger secrètement. Lui et certains de ses compagnons. Car il n'avait pas la possibilité de nourrir ses 1000 hommes. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a alors appelé l'ensemble des gens qui ont participé au creusage de cette tranchée. Et ils ont tous mangé. Et à la fin, la viande, la marmite était aussi pleine qu'au moment où elle était venue. Et la pâte qui servait à préparer le pain était toujours intacte. Et ceci était un des miracles accordés au prophète, alayhi salatu wassalam. De même que les autres miracles, lorsque les compagnons, radiyallahu anhum, étaient bloqués par d'énormes pierres qu'ils ne pouvaient casser. Et ainsi, ils ne pouvaient pas avancer dans l'établissement de cette tranchée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venait et frappait ces pierres qui devenaient poussière par la suite. Donc, les polythéistes de la Mecque, lorsqu'ils sont arrivés, ainsi que la tribu de Ratafan, lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils ont été surpris par cette tranchée. Abu Sufyan, qui était à la tête de l'armée des polythéistes, a dit que c'est une chose que les Arabes ne connaissent pas, cette tranchée. Et de l'autre côté de la tranchée, il y avait les musulmans. Les polythéistes ont à plusieurs reprises essayé de chercher l'endroit le plus étroit de la tranchée pour soit le remplir et se frayer un chemin, ou soit mettre par-dessus quelque chose qui pourrait servir de tremplin ou de pont. Et à chaque fois, ils recevaient les flèches des musulmans et les musulmans les empêchaient les polythéistes d'entamer une quelconque manœuvre pour pouvoir traverser cette tranchée. Et ceci était une épreuve également pour les musulmans qui devaient sans cesse repousser les attaques des polythéistes et les tentatives des polythéistes à vouloir traverser cette tranchée. Au point que cela a au point où les musulmans ont même dû prier des prières en retard. Et le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mala Allahu qulubahum nara qulub quburahum nara shaghaluna 'an as-salati al-wusta salati al-'asr. Qu'Allah remplisse leur tombe de feu. Ils nous ont occupés au point de ne pas accomplir la prière médiane, la prière de Al-Asr. Et certains savants ont dit que le prophète a fait la prière de Al-Asr après le coucher du soleil et d'autres juste avant le coucher du soleil. Pourquoi ? Car il devait sans cesse faire face aux tentatives des polythéistes et pour ne pas qu'ils traversent cette tranchée. Il y a eu quelques échanges, comme le dit Cheikh Saadi, entre des cavaliers qui ont réussi à sauter cette tranchée. Et des échanges et des combats brefs ont lieu entre les musulmans et les polythéistes, entre autres Ali radiallahu anhu, qui a combattu et tué l'un des polythéistes qui avait réussi avec son cheval à sauter cette tranchée. Et dans ces brefs échanges, 10 parmi les polythéistes ont été tués et 6 parmi les musulmans. Ceci a duré presque un mois. Les polythéistes ont assiégé Médine pendant près de un mois. La bataille de Khandaq a commencé au début de Shawwal de la cinquième année et s'est terminée au début du mois de Dhul-Qa'da. Puis Allah Azzawajal a fait en sorte qu'il y ait des causes. Donc, Cheikh Saadi dit, Allah a fait en sorte qu'il y ait des causes qui ont fait en sorte que les polythéistes retroussent chemin. Parmi ces causes, Naïm ibn Mas'ud al-Ashja'i, qui faisait partie de Ghatafan, donc de cette tribu de Najd qui faisait partie des coalisés qui ont combattu le prophète sallam. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô envoyé d'Allah, je me suis converti à l'islam, mais mon peuple ne connaisse pas ma conversion. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es un seul homme. Tu ne peux rien faire contre une telle armée. Mais si tu as la possibilité de ruser, alors ruse, car la guerre, c'est la ruse. Et Naïm ibn Mas'ud al-Ashja'i, radiallahu anhu, est parti chez la tribu de Banu Qurayza. Et leur a dit, vous habitez ici. Les polythéistes de la Mecque ainsi que Ghatafan et les gens de Najd habitent loin d'ici. Entre guillemets, ils n'ont rien à perdre. S'ils arrivent à avoir le dessus sur les musulmans, alors ils saisiront l'occasion. Par contre, s'ils voient qu'ils n'ont rien à gagner, alors ils rebrousseront chemin et retourneront chez eux. Et vous, qui habitez à côté de Médine, vous subirez les conséquences de cela. Ils vous abandonneront et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attaquera à vous et il n'y aura plus personne pour vous défendre. Donc, Naïm ibn Mas'ud leur a suggéré en disant, ne combattez pas les musulmans que après avoir reçu des garanties des polythéistes de Quraysh et de Ghatafan. S'ils ne vous donnent pas des garanties, s'ils ne vous donnent pas des biens en guise de garantie, en guise de gage, ne combattez pas avec eux. Puis, il est parti voir les polythéistes de la Mecque et leur a dit que Banu Qurayza sont en train de regretter le pacte qu'ils ont rompu. Pourquoi est-ce qu'ils ont rompu le pacte? Car le professeur Hassam a creusé la tranchée dans quelle direction de Médine? Au nord. Donc tous les musulmans étaient au nord. Et le professeur Hassam a placé les femmes et les enfants au sud, dans des endroits protégés. Banu Nadir, l'un des notables de Banu Nadir, est parti voir Banu Qurayza, cette tribu juive qui, elle, était au sud de Médine, et leur a suggéré de rompre le pacte qui les liait avec le prophète sallam et de s'allier avec les polythéistes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc permis qu'une brèche s'ouvre dans le sud. Le prophète sallam s'est empressé d'envoyer des centaines de ses compagnons au sud pour faire rempart aux polythéistes. Et le prophète alayhi salatu wassalam était extrêmement énervé contre Banu Qurayza. Donc Naïm ibn Mas'ud al-Ashja'i est donc parti voir les polythéistes et leur a dit que Banu Qurayza commence à regretter le fait qu'ils aient rompu le pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont vous demander des gages et des garanties pour les donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour s'allier à lui. Et pour, en gros, pour donner des biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il leur pardonne le fait qu'il les trahit. S'ils vous demandent des gages, ne leur donnez pas. Abu Sufyan a envoyé des hommes chez Banu Qurayza en leur disant que l'on doit attaquer demain. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous voulons des garanties. Lorsqu'ils ont dit cela, ils ont dit, Naïm nous a dit la vérité. Il nous a dit la vérité, à savoir qu'ils vont nous demander des gages. Ils ont dit, non, nous ne vous donnerons aucune garantie et aucun gage. Et Banu Qurayza ont dit, Naïm nous a dit vrai. On leur demande des gages et des garanties, ils ne veulent pas nous les donner. Donc, dès qu'ils auront l'occasion de partir et de retourner chez eux, ils n'hésiteront pas à le faire. Et à ce moment-là, les coalisés ont commencé à se diviser et à être en désaccord. Ceci est l'une des causes par lesquelles Allah Azza wa Jal a fait revenir les polythéistes. Et l'autre cause est qu'Allah Azza wa Jal leur a envoyé un vent violent, un vent extrêmement froid, ainsi que des anges qui ont mis la peur dans le cœur des polythéistes. Et ce vent a emporté leur tente, a retourné leur gamelle, et ce froid violent, les polythéistes ainsi que les tribus de Ratafan n'ont pu supporter cela et ont dû partir. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Allah Azza wa Jalla a repoussé les polythéistes avec leur rage sans qu'ils n'aient pu obtenir ce qu'ils voulaient. Et ceci, la bataille de Al-Khandaq, était l'une des attaques les plus violentes des polythéistes à l'égard des musulmans. Une armée de 10 000 hommes qui voulaient mettre un terme à l'islam et aux musulmans. C'était donc une épreuve extrêmement difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ses compagnons, car ils ont été assiégés pendant un mois. Et pendant un mois, ils devaient sans cesse repousser les tentatives des polythéistes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a repoussé les polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors dirigé vers Banu Qurayza, qui ont trahi le pacte qui les liait et qui ont porté atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un moment qui était extrêmement difficile et extrêmement grave. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a dit à ses compagnons que l'un d'entre vous ne prie à l'asr que à Banu Qurayza. Vous connaissez ce hadith? Qu'un d'entre vous ne prie à l'asr qu'à Banu Qurayza. Certains sont arrivés à Banu Qurayza après la prière de l'Asr. Et d'autres ont prié la prière de l'Asr pendant le voyage. Pour cela, et le professeur Hassam a dit cela pour montrer que dès que les polythéistes sont partis, le professeur Hassam a voulu tout de suite réprimander la tribu de Banu Qurayza, qui ont envoyé entre autres des émissaires, comme je l'ai dit, à la Mecque pour convaincre les polythéistes et Ratafan de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également lorsqu'ils ont permis aux polythéistes de pénétrer par le sud. Ils ont été pris de peur et se sont réfugiés dans leur citadelle. Car les juifs, que ce soit Banu Nadir ou Banu Qurayza, avaient des citadelles, des forteresses. Ils se sont réfugiés dans leur forteresse pendant 25 jours. Et ensuite, ils ont accepté de se soumettre au jugement de Sa'd ibn Mu'adh, car il le considérait comme une personne qui s'est toujours bien comportée avec eux. Or, Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anh, a été blessé pendant la bataille de l'Khandaq. Et il était en train de soigner ses blessures à Médine. Ils ont donc envoyé, le professeur Hassam a envoyé des gens le ramener. Lorsqu'il est arrivé sur le dos d'un âne, radiallahu anh, c'est là où le professeur Hassam a dit « Qumu ila sayyidikum ». Vous connaissez ce hadith ? « Levez-vous vers votre maître ». Et ici, c'est un... on se lève pour le saluer et non pas pour l'immensifier. Ils ont accepté, donc Banu Qurayza ont accepté le jugement de Sa'd ibn Mu'ad. Ils l'ont accepté comme juge. Et Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, a jugé que leurs hommes soient tués et que leurs enfants soient faits prisonniers. Ils étaient à peu près 400 à 600 qui ont été tués par les musulmans et leurs enfants ont été faits prisonniers. Et Allah Azza wa Jal a permis aux musulmans donc de prendre en possession la terre de Banu Qurayza, leur maison, leurs biens. Et Allah Azza wa Jal, wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, Allah est capable de toute chose. Allah est capable de toute chose. Et Al-Aws, la tribu de Al-Aws, qui était proche ou qui vivait longtemps en compagnie ou à proximité de Banu Qurayza, avait tenté de convaincre Sa'd ibn Mu'ad de faire preuve d'indulgence, comme cela a été fait vis-à-vis de Banu Nadir. Car Banu Nadir, qui ont trahi également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel a été le jugement final du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sourate Al-Hashr, on l'a vu. Après s'être réfugiés eux aussi dans leur forteresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de leur a laissé la vie sauve et leur a autorisé de partir et de prendre avec eux uniquement ce que leur chamelle pouvait transporter. Et que tout le reste était, faisait partie désormais de la propriété des musulmans. Et c'est ce que les juifs de Banu Nadir ont fait. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient pu comme ustensiles et comme vêtements et autres. Et tout le reste, que ce soit leur maison, leur forteresse, leur terre, etc., tout ceci a été pris, les musulmans en ont pris possession. On est affi bi hadha al-qadr wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.